réveil, je le fume. Je me lève et je le fume. Au petit déj, je le fume. Après le déj, je le fume. Début de journée, je le fume. Milieu de journée, je le fume. Fin de journée, je le fume. Début de soirée, je le fume. Je le fume. Je le fume. Je le fume. Walter White a 27 ans et le cancer des poumons sera très bientôt présent. Mais je n'arriverai toujours pas à faire sans, même si je rêverais de pouvoir vivre sans. J'ai des maux de tête, une toux qui s'intensifie et qui ne disparaît pas. Essoufflement au moindre geste, respiration qui siffle et mes poumons sont gris et d'or noir. Je n'arrive plus à chanter comme avant, je n'arrive plus à rapper comme avant. Je n'arrive plus à danser comme avant. Je n'arrive plus à être comme avant. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir un plus grand plaisir que ça. Même si je serais sûrement beaucoup plus heureux sans ça. Motivation inexistante, mais la dépression est bien là. J'aurai sûrement la motivation quand il sera trop tard. En me disant putain pourquoi j'ai fait le connard. Tout le monde m'avait dit d'arrêter cette merde. Sinon c'est cette merde qui t'arrêtera. Cancer, cancer.